23, Aveiro, a máxima é de 22 graus, Viana do Castelo, Porto e Guarda 21, 20 para Ponta Delgada e Horta, 19 para Angra do Heroísmo e 18 para as Penhas Douradas. Votre réveil matin, c'est Francky. Hola, bon dia la planète à la familia. J'espère que vous allez bien. Il est tout juste 7h du matin. On est heureux de vous retrouver, Francky dans la radio. 96.2 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut tous les matins pour vous réveiller. Coucou Isaac, est déjà connecté. Salut Francky, belle journée à toi. Bon réveil. C'est dur le matin. Bah ouais, pas facile, hein. En tout cas, côté météo aujourd'hui, c'est carrément pourri. Je vous le dis tout de suite, hein. Et ça va être quasiment toute la semaine. De la pluie, des nuages aujourd'hui, c'est le programme. Et ce, pour toute la semaine. Et ça va perdurer. Voilà, là, le mois de mai pourri, hein. 8 degrés levé du jour, on est pas mal côté température, jusqu'à 16 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Du son caliente pour réchauffer. Et ça, vous adorez déjà. Voici El Tata, El Chatal, El Figo. Yo soy de la yeca, dile a tu novio que no se meta. Metando con los tigueres a cuarta. Tengo todo y tengo la vaca. Las mujeres guapas, si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ, súbame las manos. Las mujeres guapas, si todas son fait du bien, plein de soleil le matin avec Alexis Fido El Cata. La Morère Gapas, Francky dans la radio, heureux d'être là, 7h04 en direct ce matin sur le 96.2 FM Orléans. Sol, 7h10, on est en direct. Coucou, si vous venez de vous réveiller, courage à vous pour le taf. Hein. Aujourd'hui, c'est pas terrible, hein, côté météo, de la pluie malheureusement et des nuages. Mais on est là pour vous donner un peu de chaleur et de bonne humeur ce matin. On vous accompagne au bureau peut-être, au bureau, mais en vélo. C'est ce qu'on va parler justement tout à l'heure avec Nordine Attab à 8h. Le vélo en mai, pourquoi pas se déplacer en vélo. Bonne idée, en tout cas, on leur au téléphone Nordine Attab de France 5. Il sera avec nous au téléphone vers 8h. bientôt la plage. Je vous le rassure, hein, bientôt les vacances d'été. Bah ouais, ça approche à une vitesse. Hein. Franchement, vous avez déjà peut-être prévu quelque chose, partir en vacances, peut-être au Portugal, peut-être cette année, peut-être dans le sud de la France. En tout cas, on vous souhaite un bon réveil sur le 96 FM. On est ensemble jusqu'à 9h. L'amour à la plage. Et je vous le disais tout à l'heure, vers 8h, 8h15, on sera avec Nordina Tab de France 5. Ouais, vous savez qu'il préfère faire du vélo au mois de mai. Justement, il va vous donner plein de bons conseils. Et il privilégie justement de faire le vélo pour vos déplacements, aller chercher le pain par exemple, aller au boulot si vous pouvez y aller, bien sûr que vous n'êtes pas trop loin. Ou alors des petites démarches administratives, pourquoi pas prendre le vélo tout au mois de mai. Et c'est bien et c'est bon pour vous aussi, pour votre corps, ça va vous faire du bien. On va en parler tout à l'heure avec lui, France 5 sera avec nous au téléphone. Nordine Atab, et ça me fait vraiment vraiment plaisir de le retrouver, mon petit Nordine. C'est bon en ce moment, la Réunion, hein. Toute la famille est là, DJ Assad, Denis Azor, Mario Ramasamy, Willy William, mon ami Willy William, que je salue au passage, qui nous écoute souvent, Willy, le matin. Ça me fait plaisir de vous retrouver, 7h18, on est en direct, elle cartonne en ce moment et j'adore ce titre. Analisa, c'est mon amour. Sai sexy boy, sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne siamo distesi. Ah, sopra soldi già spesi. Colazioni francesi. Ah, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto lei. Che bacia a noi, che bacia a lei, che bacia a me. Italienne, ça fait du bien de l'écouter le matin. Annalisa, mon amour. Bah oui, on vous aime le matin comme ça, dès 7h20 en direct ce matin, Radio France et Orléans. 96 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut. Nordi Latab sera avec nos téléphones de France 5. Eh ouais, ça me fait plaisir de le retrouver en direct sur Radio France. Et c'est un super bonhomme. Quel bonhomme, le Mac de la santé. Allô docteur, bah c'est lui. Il sera avec nous au téléphone pour nous parler du vélo en mai. Ah ouais, du vélo et puis du parcours aussi qu'il a fait là il y a quelques jours. Les 300 km, l'aller-retour chez Allo Docteur. On va vous parler sport ce matin. Voici Don Omar. Dale, Don, dale. Suelta como gavete. Yo soy su lado, ella es mía. que estoy suelta como gavete. Looney Tunes, checa. Un bonjour à l'antenne ? Appelle le 02 38 43 48 00. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Daddy Yankee Dola et vous aussi de côté de la radio, peut-être que ça va durer longtemps, hein. Direction le bureau ce matin, le chantier. On vous souhaite une très bonne journée, pas de soleil malheureusement, la pluie est là, les nuages aussi, mais le rayon sous le sol avec Radio Arc-en-Ciel en direct et un jeune rappeur que j'ai découvert et on adore, il s'appelle Orly face au miroir. Écoutez bien les paroles, c'est énorme et ça arrive dans toutes les radios. Voici Orly sur Radio Arc-en-Ciel. J'assumerai comme un homme et je laisserai pas ma chance passer. Moi je suis fait pour la musique, même un jour je pourrais dépasser. Toi tu crois que j'hallucine, tu verras le temps va te le prouver. Alors j'essaie d'être honnête quand je me regarde dans le miroir. Je fais du mal, j'y perds la tête tous les jours, je fais des cauchemars. Cette fois mes chuchotés me poursuivent jusqu'au fond du couloir. Combien de traits j'ai pu croiser au courant de mon histoire. Je m'en vais par route seule la nuit. Ouais c'est parfait, solo dans Polyte. Alors j'essaie d'être honnête quand je me regarde dans le miroir. Je fais du mal, j'y perds la tête tous les jours, je fais des cauchemars. Cette fois mes chuchotés me poursuivent jusqu'au fond du couloir. Combien de traits j'ai pu croiser au courant de mon histoire. Je déchiré, je fume mon pétard. Le soir, je m'évade dans mes pensées, je m'endors la nuit. Trop tard, besoin de m'en aller. Moi, je suis parti dans un délire et je pourrais geeker toute la nuit. Je pourrais te raconter les pires, toutes mes galères, tu les connais. T'es mon frérot, je t'oublierai pas, malgré les hauts, malgré les bas. Je t'aime pour meilleur et les pires, t'es mon poteau, t'es mon papa. Des larmes de sang, on a versé, on a traversé des cimetières. Combien de fois je dois pleurer pour exaucer toutes mes prières. C'est le bon Dieu que j'ai prié, pas voulu laisser Lucifer. C'est le bon Dieu que j'ai prié, pas voulu laisser Lucifer. Alors j'essaie d'être honnête quand je me regarde dans le miroir. Je fais du mal, j'y perds la tête, tous les jours je fais des cauchemars. Cette voix me chuchote et me poursuit jusqu'au fond du couloir. Combien de traits j'ai pu croiser au courant de mon histoire. Je m'en vais par route seule la nuit. Ouais, c'est alors j'essaie d'être honnête quand je me regarde dans le miroir. Je fais du mal, j'y perds la tête, tous les jours je fais des cauchemars. Cette voix me chuchote et me poursuit jusqu'au fond du couloir. Combien de traits j'ai pu croiser au courant de mon histoire. Je m'en vais par route seule la nuit. Ouais c'est parfait, solo dans Pauline. Là je suis dans un drôle de mood, j'ai un peu trop fumé ce soir. La parano me rend jaloux, je suis amoureux de son pétard. Alors j'ai allumé la mèche, j'ai mis le feu comme à l'idée. J'ai fumé le calumet sans stress. Commencez pas à paniquer, la rue m'a rendu méfiant, mais je suis pas mauvais dans le fond. Beaucoup de gens font les truands, mais zéro couille dans leur caleçon. Dans la vie j'ai perdu du temps, j'en ai tiré plusieurs leçons. Quand il a fallu mettre les gants, tout seul j'ai assumé mon grand. Ouais, tout seul j'ai assumé à mes côtés deux trois frérots. C'est ma mère qui doit mériter d'aller au paradis là-haut. Ouais, dans ma tête j'ai cogité, j'ai péché beaucoup trop de fois. Est-ce que le bon Dieu peut me pardonner si un jour j'ai vraiment la foi? Ça on adore, hein. C'est nouveau, il s'appelle Orly, les paroles sont terribles, c'est ce que me dit Nuno sur le net, super parole, Orly face au miroir, vous adorez aussi, et puis le meilleur des souvenirs pour vous emmener au bureau ce matin, sur le chantier peut-être, c'est ce que fait Pascal en ce moment, qui est chauffeur-livreur, salut Pascal, belle journée à toi mon ami, voici Louis Bertignac avec ses idées-là, bon réveil. Bébé, faudrait rentrer, tu vois, je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Des heures passées devant la mur de ma télé. Des nuits sans dormir, à te demander, tu peux bien aller. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you do to me, but keep it suavemente. Sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, besa, besa, besa, besame otro ratito. Kiss me softly, you're all that I need. I want you to come home with me. Baby, when I look into your sexy eyes, makes me wanna kiss you till the sunrise. Kiss me one time, kiss me two times, kiss me again. It's going down, don't change. Ça, bachata, merengue le matin pour vous réveiller, ça fait du bien, 7h38 en direct côté météo, et eh bien on est pas gâtés aujourd'hui, hein. Ah ouais. La météo. La météo pour ce mardi, après les fêtes joanniques qui se sont très bien passées d'ailleurs, c'est ce que nous dit Edouard sur internet. Super fête joannique comme tous les ans. Quelle elle était belle cette année, la Jeanne d'Arc. Je n'ai pas vu, mais bon, normalement, ouais, elle est pas mal quand même. Heureux d'être là, avec le ciel qui est chargé de pluie et de nuages, malheureusement, ce matin. Les températures au lever du jour, 7-8 degrés. On devrait dépasser les 15, voire 16 degrés, mais la pluie est installée, ainsi que les nuages, et ça va perdurer, et ce, pour toute la semaine. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que du son qui arrive pour bien vous réveiller en douceur ce matin avec Calogero. Mon frère.

le sens de la vie et je l'aime. Bah oui, on vous aime le matin, le bonheur, comme ça, ça fait du bien de vous retrouver. 7h47 minutes. Il sera au téléphone avec nous vers 8h. C'est Nordinatable, France 5 avec nous en direct. Allô docteur, le Mac de la santé. C'est lui, il a fait un défi sympa il y a quelques jours, 300 km aller-retour en vélo jusqu'à Paris. Et ben on en parle avec lui et puis il vous conseille de prendre le vélo au mois de mai. Ça sera en direct ce matin avec Nordinatable à 8h sur Radio Arc-en-Ciel. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. Me alevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el veneno. Yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo. Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM, 7h50 en direct ce matin, la camisa negra, la chemise noire, bah oui tout le monde, ce matin au bureau en chemise noire, pourquoi pas. En tout cas on vous souhaite une belle journée, une très très bonne matinée, courage à vous si vous allez au taf, vous allez amener les enfants à l'école bientôt là, et bien on vous souhaite une très très bonne semaine aussi, sous la pluie malheureusement et les nuages, mais on est là pour vous donner un peu de réconfort et de soleil, le nouveau Yanns avec Laisse-moi t'aimer, bah voilà, il l'a dit avant moi, Yanns. Ma chérie, on va s'aimer, on va s'aimer. Laisse-moi t'aimer. Petit c'est mon mot qu'on dit le premier jour. On va s'aimer sans faire d'aller-retour. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Moi je t'ai dans la peau. Plus jamais se quitter, mon côté tient un mot. Laisse-moi t'aimer. Je vais le faire comme personne l'a fait avant. Je te le prouverai même si ça prend du temps. Ça fait un moment que je te cherchais. J'ai cru que j'allais jamais te trouver. Je peux partir même te sauver. Au bout du monde moi je te retrouverai. Quand ça va mal faut pas que tu boudes. Si t'as besoin de parler je t'écoute. C'est toi la plus belle de toutes. Pour moi ça ne fait aucun doute. Mon petit cœur crie oui oui oui. Quand il te voit crie aïe aïe aïe. Laisse-moi t'aimer. Petit c'est mon qu'on dit le premier jour. On va s'aimer sans faire d'aller-retour. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Moi je t'ai dans la peau. Plus jamais se quitter. Ma beauté tient un nom. Laisse-moi t'aimer. Oui ma jolie, c'est sur toi que j'ai craqué. façon de me regarder. J'écoute plus les rondis, non avec toi je suis dans ma bulle. Comme tu m'as eu c'est de la folie, dans ma vie toi tu fais la une. Je pourrais me payer de quoi j'ai envie, c'est toi ma richesse, ma fortune. Oh oh, laisse-moi t'aimer. Oh oh, laisse-moi t'aimer. Mon petit cœur qui oui oui oui, quand il te voit qui aïe aïe aïe. Laisse-moi t'aimer. Que dire ces mots qu'on dit le premier jour. On va s'aimer sans faire d'aller-retour. Laisse-moi t'aimer. 7h53 minutes. Alors, je vous disais encore, il y a un petit air de Gilbert Montagné. Bah oui, on va s'aimer. La reprise par Yanns, laisse-moi t'aimer. Bienvenue sur Radio Français 96.2 FM. Salut mon José, qui va bosser Cap 45. On les salue au passage. Un petit clin d'œil à vous qui travaillez ce matin. Bah ouais, pas facile, hein, avec le temps de merde. Bah, il faut le dire. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Samazzotti, Sebastiano Canzone. Belle journée sur Radio Français 96.2 FM. Bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Oh, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre tu da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamare Cosi, Ross Ramazzotti, toute la chaleur de l'Italie. Ce matin, à bientôt 8h, Nord du Natap sera notre invité au téléphone. Eh ouais, France 5 en direct. Allô docteur, le Mac de la santé. c'est notre invité dans quelques minutes, Nordine à table, et quel personnage. Ah, il va nous parler du mois de mai en vélo et puis aussi de ce qu'il a fait, 300 km aller-retour chez Allo Docteur, c'est énorme, hein, franchement, tout pour le sport ce matin, et tout pour la douceur et pour les tubes, Kalema, Ti Amo, DJ Youssef, le remix. Et on s'est perdu dans la brume, je pourrais mourir ici, mourir pour ces caresses, une dernière et après j'arrête. Le soleil viendra après la verse, ce n'est que des souvenirs. Oh, mi amore, je voulais qu'on danse sur les toits du monde. Ton fantôme qui me suit dans les hôtels, dans les suites. Je suis le roi dans un royaume vide. Oh oui, j'ai le cœur qui se vide. C'est Francky dans la radio, on vous réveille tous les matins, on est heureux de vous retrouver ce matin. Salut à Edouard qui est connecté, salut à José, salut à Pascalou, salut mon Pascalou, belle journée à toi aussi, j'ai du mal à lire les prénoms le matin. Enfin, j'arrive chez l'ophtalmo, moi. Heureux d'être là, c'est le son qu'il vous faut, ça Kalema, pour vous sortir du lit. Et puis le meilleur des souvenirs avec Eamon Farragut. Now, from the presence. 22 minutes en direct ce matin, Radio Française 96.2 FM avec Eamon Fockett. Ça c'est une histoire d'amour qui se finit mal malheureusement. Notre invité du jour, il arrive. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Bien, je suis venu en vélo, moi, à la radio ce matin. Non, je rigole, en tout cas, il adore ça, le vélo. Et il va vous en parler dans moins de 30 secondes. C'est Nordinatab, notre invité, ce matin, sur Radio Arc-en-Ciel. Allô, docteur, le Mac de la Santé. Il est avec nous. Nordinatab, bonjour. Salut, Francky, ça va? Ah bah, toujours en forme. Mon ordinateur, toi, t'as toujours la patate, ça fait des années qu'on se connaît. Et c'est à chaque vrai. Fois qu'on se au téléphone ou alors que tu viens en studio, bah, toujours le sourire, toujours le smile, comme on dit. Et puis, c'est cette joie de vivre, cette bonne humeur. C'est le sport qui te donne autant de patates. On essaie, voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui va sourire et puis après, ça va me donner le sourire. Puis après, je vais le transmettre. Voilà, c'est une chaîne. Mais toi aussi, t'as le sourire. Bah ouais, bah, il faut à la radio. Hein. Imagine le mec qui fait la gueule le matin, c'est pas bon. C'est certain. On va dire, au mois de mai, on fait ce qui nous plaît. Et toi, on va parler de vélo. Tu vas essayer d'inciter les gens à prendre le vélo tout le mois de mai pour qu'ils changent un peu les habitudes. Au lieu de prendre la voiture, comme tu le disais sur des vidéos, aller chercher le pain, aller à la bibliothèque ou autre. Et bah, pourquoi pas prendre le vélo, Nordine? Exactement. Alors, ça vient pas de moi. Je veux dire que je participe à ça, mais en fait j'étais chez moi sur mon smartphone et puis sur Facebook je vois passer une info Mets à vélo. Ça s'appelle Mets à vélo et en fait c'est un collectif d'associations qui propose et moi de pouvoir réintroduire le vélo dans sa vie quotidienne durant tout le mois de mai. Ouais. Et puis j'ai passé l'information et puis après je me suis dit purée Nordine, mais pourquoi pas toi quoi. Et puis, alors j'ai réfléchi, je fais une semaine, deux semaines, un mois, je dis voilà, avec tout ce que j'ai à faire à droite à gauche, j'y allais, j'essaie sur une semaine et puis voilà, toute la semaine dernière, je me suis lancé pour essayer de tout faire à vélo. Et ça va certainement inciter les gens à prendre peut-être le vélo pour aller alors au boulot, ça dépend des distances après hein, c'est vrai que le mec qui a 40 bornes, bon, hein, il va peut-être pas prendre le vélo, mais si vous allez je sais pas chercher les enfants à l'école par exemple, si vous allez comme on le disait chercher la baguette de pain à 3 km, vous prenez la voiture, pourquoi pas changer les habitudes aujourd'hui. Exactement, mais c'est surtout, en fait, la semaine dernière, je me suis puré, mais je m'étais pas aperçu, en fait, que de composer à vélo entièrement sur la semaine, ça allait être complexe. Et au niveau du planning, bah, j'arrivais souvent en sueur, dans mes rendez-vous, j'essayais de ramener les t-shirts, tout ça dans mon sac, c'était un peu le chantier. Ouais. Et je me suis puré, mais c'est pas simple, en tout cas, pour ma vie personnelle, de pouvoir tout adapter. Et puis après, bah, vendredi, comme je devais aller au Mac de la Santé, à Paris. Bah oui. Je me suis dit, bah, Nordine, tu vas jouer le jeu. Et puis, bah, vendredi, après, j'ai pris mon vélo et puis j'ai fait 150 bornes. Juste aller parce que au retour il y avait de l'orage et beaucoup de vent de sale, donc j'ai fait halte avec Monsieur Fall qui m'a accompagné, ouais. Un cycliste bien connu et reconnu d'Orléans. On le salue au passage. On a été à Paris en partant à 2h45 du matin. Et t'arrives à l'émission, t'étais en sueur, il a fallu prendre une douche quand même. Alors oui, il a fallu prendre une douche et puis après surtout faire les répétitions, faire les exercices, tout ça. Et après, en sortant, je me suis dit, bon, alors, Nordine, tu fais quoi? Tu remontes sur la selle ou pas? Et là, j'ai fait, ah non, je suis trop carbonisé. En plus, j'avais pas dormi la veille parce que, bah, j'étais un peu sous le coup de l'excitation. Bah oui, oui. Mais en tout cas, c'était une superbe expérience. Mais pas que ce vendredi-là, même toute la semaine, on s'est eu, toi et moi, avant, au téléphone. Et je te disais, justement, ce matin, j'hésitais parce qu'il pleuvait. Et au final, je me suis dit, bah, non, Nordine, ça y est, ça fait partie de ton quotidien, le vélo. D'autant que, je vais te dire, allez, je vais donner une petite stat. 60% des gens qui travaillent à moins de 2 km prennent leur voiture. Ah oui, quand même. Ouais, 60% des gens qui travaillent à moins de 2 km prennent leur voiture. Donc moi, personnellement, j'en fais quasiment partie. Je me suis dit, mais Nordine, arrête ça, quoi. Arrête ça, d'autant qu'après, ben, forcément, ça va avoir des répercussions positives sur notamment ma fille, sur mon entourage. Et j'ai plein d'amis qui m'ont dit, purée, tu nous as donné envie de se remettre à vélo, de se remettre en selle pour pédaler. Donc, eh ben, si c'est ça, ben, c'est cool. Et puis au final, je crois qu'on peut tous participer au mouvement de chacun et de chacune. Et puis on peut dire aussi, comme disait, c'est bon pour la santé aussi, le vélo, dis donc. Ben, carrément, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le souffle, c'est bon pour les muscles. Et puis surtout, pour toutes les personnes notamment ben, qui cherchent à s'entretenir parce que on a tous des vies qui vont très vite. Ouais. Et au final, on se dit, ah, j'ai pas le temps de faire du sport, tout ça. Et moi qui, des fois, bah, sur des semaines, j'ai pas le temps de, par exemple, faire 2 heures de sport, je me dis, ah, Nordine, comment tu vas faire, tout ça, avec les rendez-vous. Et ben, juste là, sur la semaine dernière, j'ai calculé, en moyenne, par jour, avec tous mes trajets, je faisais 3 heures de vélo. Ah ouais, donc, quand même. J'avais pas 2 heures pour faire du sport. Par contre, au final, dans tous mes déplacements quotidiens, j'en faisais quasiment 3 heures. Donc là aussi, il y a un gain important. Et c'est vrai que pour les personnes qui sont pas forcément fans du sport, et ben pour pouvoir continuer à se bouger et être actif ou active, et ben derrière, juste d'utiliser le vélo au quotidien, et ben c'est super pour le corps. Et c'est vrai. Et là, si ça se trouve, ce matin, les auditeurs qui nous écoutent demain, ils se disent, bah tiens, allez, je sors le vélo malgré le temps, je vais essayer. Pourquoi pas tenter l'opération au moins une fois pour voir. Mais, après, c'est une mise en place, comme tu disais, ben, y a des gens, peut-être, qui transpirent plus que d'autres, qui va falloir peut-être prendre, s'arranger au bureau pour amener un peu de déo, un t-shirt de rechange, ou une chemise, je sais pas. Mais après, c'est une organisation qui peut se créer, ça, hein. Exactement, que ce soit ça. Mais ce qui est cool, c'est que, en fait, le vélo, c'est l'activité, qui peut être liée à n'importe quel âge. Quand on est enfant, quand on est adulte, quand on est senior, quand on a des problèmes de poids, quand on a des problèmes d'arthrose ou autre, peu importe. Étant donné qu'on est sur un sport porté, comme on appelle, au final, le vélo, ça peut convenir à tout le monde. Et puis, c'est ce que je disais, parce qu'il y avait une dame, j'ai croisé la semaine dernière, m'a dit, ah, Nordine, j'ai vu que vous alliez essayer de faire l'aller-retour à Paris, c'est super, et toi? J'ai dit, bah, et vous, vous faites un petit peu de vélo? Elle me dit, oh, moi, vous savez, je suis à la retraite, j'étais enseignante, mais pendant 40 ans, chaque jour, j'ai été à vélo au lycée. Ah ouais? Il y avait combien de kilomètres? Elle me dit, bah, 6 kilomètres. Alors, je prends mon smartphone, je calcule. Je dis, mais Chantal, vous avez fait plus d'un tour de la planète, vous avez fait plus de 40 000 kilomètres. Ah oui. Et là, ben, mais c'est là où on mesure pas justement le petit gain journalier qui fait qu'au final, eh ben voilà, là on le voit sur plusieurs décennies, mais ça fait énormément de mouvements et bravo à tout le monde qui vont au taf, au vélo, au vélo, parce que là aussi, ben, de pouvoir l'intégrer durablement, eh ben ça contribue énormément à son bien-être physique et psychologique. C'est vrai. Alors en plus, c'est bon pour la planète, hein, déjà. Et puis et en plus, on va faire des économies parce que. Tu dis juste parce que la semaine dernière, de quoi je me suis aperçu. Je prends pas ma caisse, donc je mets pas d'essence. Mmh. Premièrement, je ne prends pas les bouchons, donc voilà, ça me fait du bien. Je me bouge. Lorsque je vais faire mes courses, j'ai été dans un supermarché, forcément, j'ai un petit sac à dos, mais au final, je suis limité, donc je suis moins tenter de remplir le chariot et d'en mettre plein la bagnole. Donc j'achète juste utile, donc au final, plus d'essence, plus de bagnole, je me bouge et je consomme moins. Parfait, comme tu dis, que ce soit pour la santé ou l'écologie. Bah on va suivre Nordine à table alors, hein, on va te suivre. Moi je vais essayer un matin, je vais me pointer à la radio. Alors là, ça serait un sacré. Ah non, mais promis, je vais réaliser le défi, hein, ça, je te promets, hein, je vais le faire. Hein. C'est génial. Je suis pas très loin de la radio, mais bon, ça va me faire du bien, même moi, ça va me mettre en pleine forme. En mouvement. Voilà. Bah bien sûr. Bon, direction Paris aujourd'hui, Nordine. Direction la salle. Ouais. Là je suis venu à vélo, je vais attaquer. Mais par contre, oui, c'est sûr que maintenant, toutes les semaines à venir, et puis même après, j'utiliserai beaucoup plus le vélo. Ouais. Ouais. Mmh. Bon, le coach sportif est prêt pour ce matin pour la salle de sport? Exactement, voilà, c'est parti pour le coaching sportif toute la journée. Pour une remise en forme. Merci l'ordinateur de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à toi, Francky. Passe une belle journée. Et pédale vite, hein. Salut Nordine. Allez, ciao. À tout de suite, tu reprends. Le meilleur de la musique ce matin avec Ordinary on Fire. Thank you. Dance Boogie Wonderland, Earth on Fire sur Radio Arc-en-Ciel. 8h15, il a dit Nordinatab, hein. À tout le monde à vélo ce matin, vous allez au boulot en vélo, ouais, si vous êtes pas loin, c'est vrai que si vous avez 25 km ou 24 bornes à faire, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est bon pour la planète et ça va vous faire du bien encore aussi. Demain, tentez l'opération, pourquoi pas, si vous êtes à 2-3 km de chez vous pour le job, et ben, moi je vais le faire, je trouve un vélo, juste si quelqu'un a un vélo à me prêter là pour 2-3 jours, promis, je le ramène, je vais venir à la radio en vélo. Promis, je me suis engagé avec Nordine. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis vous laissez vos messages, hein, 02 38 43 48 00. José qui souhaite un bon anniversaire à son papa qui a combien, 82 ans aujourd'hui. Oh là là, Daniel, 82 balais, ça passe. Bon anniversaire Daniel, happy birthday to you. Jimmy Ironman, mes potes de Bordeaux, ah, dans les années 2000, j'adore ces mecs là. Deux super mecs avec ce tube à l'époque, où a Jimmy et Ayaman de Bordeaux. Ce matin sur Radio Arc-en-Ciel, Elisa qui nous dit quel souvenir ça, Francky. Bah oui, Jimmy Ayaman, forcément, on s'en rappelle. Voici J Balvin, Ginza et Bob Sinclair qui arrivent avec le nouveau. Yo me mira de tal forma que no sé ni qué pensar. Se muerde los labios y se mueve bien sensual. Si dudas de mí, de todo lo que te haré. Si ella pide más, más reggaetón, pues más le daré. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Toda la noche lo que vive y como lo quiera. Quiero que se transforme y que saque lo de fiera. Que grite como tú quieras, reggaetón que te quema. Quiero perderme en tu mundo de pasión, dañémonos la mente. Déjame acariciar tu cuerpo tan caliente. Déjame sentir tu piel como se siente. Y si te entregas más, más tengo para ti. Reggaetón, más trabajo, mucho amor y sexo. Pégate a mi cuerpo, haz que no muera el recuerdo. Vente, vuélame con mi cuerpo. De lejos te observo y quisiera que te acercaras. Si te quisiera, mami, ven conmigo a la pasada. Suéltate el pelo, alójate, saca pasión la modelo. Y no sé qué, te invito hasta el infinito. Ya tu noche la mejor. Vacila con lo favorito. Reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Ça fait du bien du soleil ce matin avec Ginza, J Balvin et on adore. Voici le nouveau Bob Sinclair, la reprise d'Organize. Never know your love like tears before. C'est le nouveau Bob Sinclair sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon courage pour le boulot. Radio Soleil dès 7h avec Francky. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux déteignent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite tous tes yeux brillants. J'irai où tu iras, il sera temps. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le pain. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts maritimes. Des caravanes et des voyages, comme tu volais des clients. Va pour tes cocotiers, tes rivages. Va pour tes lames, double balançant. J'habite où l'amour est un village, là où l'on m'attend. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Quand t'es quitté, t'es claqué, t'es rêvé. Calibou, Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, j'irai où tu iras. Belle journée sur Radar en ciel, Sonia qui nous écoute. Salut Sonia, et belle journée à toi aussi. Alex Le Bail, l'Orléanais qui cartonne. Il était à la radio quelques semaines, voici heure après heure. Il sera bientôt à Orléans pour la fête de la musique, on vous en parlera. Alex Le Bail, son nouveau single, l'Orléanais. Yeah. sur Orléans. Il s'appelle Alex Le Bail, heure après heure, son nouveau single. Il sera bientôt chez nous encore pour nous parler d'un spectacle aussi qui arrive, un show le 19 juin. Et puis le 22, il sera aussi à Orléans, le 21 juin, pardon, pour la fête de la musique. Voici Caméléon. Bientôt de grosses surprises avec Caméléon. Voici Mass. Arc-en-ciel. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. desde sua chama. Por isso não tentes ler quando deitas comigo na cama. Não tentes ler os meus beijos, desconheço o dialeto. Dentro do teu doce arpejo temo por ser incorreto. Sei que são de quem te quer, sem meio para atingir fim. Por isso não tentes ler, não te afastes mais de mim. C'est 9h, c'est Francky dans la radio. J'adore ce mec, Bézégol. C'est Alvaro à l'époque qui me l'avait fait découvrir. Franchement, je kiffe cette voix, Bézégol sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. Ça, c'est la grande famille de la radio. Michael, Steven et Camaleon. Dizes vem dançar, eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo vem me amar. Contigo quero ficar, sentir teu corpo no meu. Contigo quero vibrar, por isso bem que eu sou teu. Soleil dès 7h avec Francky. Chibondas, yeah. fait du bien, le son tropical comme ça le matin. Décibel, ambiance à la tropicale. 8h45, on est en direct comme tous les matins. Et bientôt les vacances d'été. Bientôt, ouais, dans un mois et demi, on va dire. Allez, avec du son que vous allez retrouver cet été avec DJ Bata à Amame, le son Melengue. Amame, con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma. Amame, con caricias, tenuras y con tu calma. Amame, cuando sientas deseos de mi presencia. Dime que tú no duermes pensando en mí. Porque mi corazón por ti está loco. Yo siempre te amaré. Dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Plein de soleil pour vous réveiller ce matin, tout en douceur, vous qui allez travailler. Malheureusement, la pluie est bien installée. Voici Joseph Salvait avec Urban Season. Belle journée et bon courage pour le taf aujourd'hui. On the greatest view, on n'a pas vu les limites. On n'a pas vu qu'on allait trop vite. Nous voilà devant l'inconnu. Et on fila des années-lumière de tout ce qui nous retenait hier. Seul dans la nuit, on est seul dans la nuit. On n'a jamais voulu changer de route. Tous les chemins n'ont mené qu'à des doutes. Pas à Rome, regarde où nous sommes. C'est une autre saison qu'il nous faudrait pour de bon. Pour repartir mon amour, le cœur moins lourd. Juste une autre saison, juste une autre bonne raison de changer d'avis et de peau, de laisser l'amour nous prendre. So I've been needing you, but I know you've been needing me too. We're in this game together, we're in this game together. Dans le rétroviseur, j'entends la voix des jours meilleurs. On a beau faire les morts, foncer tout droit dans le décor. On se perd, on n'y peut rien. On le prend un peu comme ça vient. Fallait-il qu'on s'aime encore? Car c'est une autre saison notre cœur moins lourd. Juste une autre saison, juste une autre bonne raison de changer la vie et de peur, de laisser l'amour nous prendre au monde. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together, we're in this game together. Bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00.